Je déballe mes plus profonds malaises, pour moi c'est trop. Sentiment d'un cool décor et sans piments, un cool baillon me comprimant. La bouche m'empêche de divulguer mes peurs. Ce n'est qu'une vulgaire épreuve, négatif en général. Pourtant les compliments ça touche. J'ai compris qu'on s'insère avec une vie rangée. Mais vivre en général c'est dur, mon âme côtoie de villes d'angers. Mais vite on gèle de froid, mes doigts sont bleus et mes phalanges cassantes. Dans le cendrier c'est la fournaise quand tu balances ta cendre. Voûté on vieillit en se tassant. Quel triste dénouement, je te chante la noire sera défaut. Chanter tes louanges pour y mettre dur, faut s'entraîner souvent. Laisser la plume faire la thune freine. Quand tu t'isoles et que tu n'as plus de frère, la su peur te guide et là je n'ai plus peur de dire ces mots. Lâche une meuse de vide, juste un regard et j'ai compris ces mômes. Là les conflits c'est mort, je veux de la paix, du bonheur. Presse le bouton reset, on repart du bon pied, du bon oeil. Mista tous, mets les formes. Fais l'effort, on se téléporte. Puis à tous, téléphone, on crée des codes. J'image toutes mes récoltes. Mirage groupe, piaf pour flouter le doute et le décor. Et t'y vague tous, mista tous, mets les formes. Fais l'effort, on se téléporte. Puis à tous, téléphone, on crée des codes. J'image toutes mes récoltes. Mirage groupe, piaf pour flouter le doute et le décor. Et t'y vague tous. Toi, je veux changer de décor. Pourquoi j'écris toujours dans le mal, pas de réponse soufflée. Car ma plume sort d'un accident grave. J'ai appris à jongler dans mon cercueil d'hiver. Entre équilibriste et qui tranchante, affalé dans mon cercueil d'ivresse. J'ai taquiné mes placements, voir si ma rime dit vrai. Fait psychoactif pour faire parler mes cicatrices d'hiver. J'calcule pas ta légende, aucune chance pour ton allégeance. Mon esprit est libre, qu'il se casse tant qu'il en a les gens. J'écris à l'aube et souffle à la rosée. Car sous résine, ça rit à l'ombre. Ma raison sous nausée, des fous résines et sème des scènes immondes. J'amène ça, le monde s'éventre, image sale. Les conséquences, mirage pas. Mixage, fat, virage, trash, mes comptes s'épanchent. J'y vache large, les cons s'étendent. Déjà vous quand c'est temps, j'ai vu ce virage noir dans le miroir et même dans le fond de l'étang. Petite tache noire sur le fond d'écran. Tu dis que je dis vague, moi les fins de moi sont en détente et froide. Du coup j'inhale quoi. Mista tous, mets les formes. Fais l'effort, on se téléporte. Puis à tous, téléphone, on crée des codes. J'image toutes mes récoltes. Mirage groupe, piaf pour flouter le doute et le décor et t'y vague tous. Pas le copie de l'enfant d'autrefois, on fait des pattes au pire. La panoplie n'est pas complète, mais en compète le panoplie. Le carreau pète et je prends l'éclat dans l'œil. Le verre me brûle, que faire de plus. Mon innocence et ma candeur ont vite éclat dans l'œuf. On vit des drames en deuil, la douleur est trop forte. Des photos noires et blancs jaunis, car même la couleur les provoque. Émerge à poule et les trop morts nous brisent les côtes. On vise les pauvres, le ghetto mort. Faut mettre aux normes une petite écho. On kick des cônes et des gonnets, envie de déconner que tes collègues. Y'a peu de gens simples, tu vois. Y'a plus des clones et des commères, on brise le chrome et les gros mecs. Mista et tous, Mista et tous, l'histoire des doutes, elle est trop lèche. Déclenche la foudre et le tonnerre, mais faire des promesses c'est chronique. Faut-il encore les tenir, une vie sans dort. Le vice rend mort, on fait semblant d'être libre. On voit la lune, c'est son reflet qui nous anime. Ma vie j'ai mal au fond, j'ai déjà une chance, c'est que moi j'arrive à le dire. Mista tous, mets les formes. Fais l'effort, on se téléporte. Puis à tous, téléphone, on crée des codes. J'image toutes mes récoltes. Mirage groupe, piaf pour flouter le doute et le décor. Et t'y vague tous. Mista tous, mets les formes. Fais l'effort, on se téléporte. Puis à tous, téléphone, on crée des codes. J'image toutes mes récoltes. Mirage groupe, piaf pour flouter le doute et le décor. Et t'y vague tous.